Andreas Salomé. Lou Andreas Salomé. Par Yves Simon. Quelqu'un a-t-il une idée nette à la fin de ce 19e siècle de ce que les poètes des époques vigoureuses appelaient l'inspiration ? Apparition soudaine d'une chose qui se fait entendre, qui se fait voir avec une sûreté et une réalité inexprimables, bouleversant tout en vous. Tempête de liberté, d'absolu, de force, de réalité. Friedrich Nietzsche. La rencontre entre Nietzsche et Lou a lieu à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome, dans un confessionnal baigné de lumière. De quelle étoile sommes-nous tombés pour nous rencontrer ? Ce seront les premiers mots goethiens de Nietzsche lorsqu'il aperçoit la jeune fille. Depuis quelque temps, ses maux de tête l'accablent, ce qui ne l'empêche pas d'être en train de terminer la rédaction du Gai Savoir. Il a 38 ans, elle 21. Fier de l'agréable surprise faite à Nietzsche, Paul Rey est mélancolique, car depuis quelques semaines, il s'est senti obligé de devenir l'ami de Lou. Il l'a rencontrée, l'a aimée, s'est déclarée, a échoué. Ami, voici le mot qu'elle aime prononcer lorsque les hommes se déclarent. Soyons amis, formons une communauté de cœur et d'esprit, épousons nos idées. Dans la ville aux pierres malades, chacun des trois va se croiser à des moments diamétralement opposés de sa propre recherche. Redescendu des sommets glacés d'une philosophie exigeante et solitaire, Nietzsche déclare, peu après leur rencontre, je ne veux plus être seul, je veux réapprendre à devenir un être humain. Lorsqu'il retrouve Lou errée à l'intérieur de la basilique, elle est une jeune femme qui tente de devenir une surfemme, à qui rien ne peut être imposé. Contrairement à Nietzsche, Rey juge affligeant le spectacle qu'offre trop de philosophes occupés à surcharger de sens un monde bardé de souffrances et d'absurdes. Il décide alors de jeter son regard élégant et désenchanté vers l'Antiquité. Vous êtes comme deux prophètes. L'un tourné vers le passé et qui découvre l'origine des dieux, l'autre tourné vers l'avenir pour anéantir leur crépuscule. Avec le Gai Savoir, Nietzsche était à même de régler toutes sortes de malentendus. Au désarroi des classes dominantes, il peut opposer la fierté du stoïcien face à l'absurdité du cours des choses. À l'optimisme des socialistes, il peut opposer l'impossibilité d'abolir la douleur sans en finir avec la vie. À la compassion de Schopenhauer qui conduit à la négation de la volonté, il oppose la négation, c'est-à-dire l'affirmation de l'éternel retour. Et au testament de Wagner, à savoir l'expiation collective de la cruauté passée, la vie joyeuse des chevaliers médiévaux. Un nom pouvait résumer tout cela, Zarathoustra, qu'il va écrire d'ici un an. En reprenant à son compte la mort de Dieu et l'éternel retour, il dispose des moyens de dire oui à la cruauté de la vie et non à la compassion. Nietzsche, enthousiasmé par sa rencontre, lit à Lou des pages toutes fraîches du Gai Savoir. Je crois que les artistes ignorent souvent ce qu'ils savent le mieux faire parce qu'ils sont trop vaniteux et qu'ils ont dirigé leur vue sur quelque chose de plus fier que ne semblent être ces petites plantes qui, neuves, rares et belles, croissent sur leur sol avec une réelle perfection. Nietzsche marche des heures à la compagnie de Lou dans les nuits de Rome. Il disserte sur tout, confie que désormais Georges Bizet a remplacé Wagner dans son cœur et que l'humeur tourmentée de ses longues journées d'écriture trouve à présent sa pleine justification puisqu'il vient de la rencontrer. Par l'intermédiaire de Rey, Nietzsche ne tarde pas à son tour de demander Lou en mariage. Pour ne pas blesser un homme qu'elle admire, elle prétexte une pension versée par l'État de Russie à laquelle elle n'aurait plus droit une fois mariée. Et une fois mariée, elle ne devrait dépendre que de son mari, Nietzsche, qui a tout juste de quoi subvenir à ses propres besoins. Ami, cher Nietzsche, soyons amis. Héros désormais d'un Jules et Jim façon 19e, Lou, Nietzsche et Rey vont partager par épisodes discontinus, et durant les 7 mois qui suivront, une étrange amitié amoureuse faite de rire et de conversation, de sexe toujours point, d'exaltation à profusion. Ils partent en direction de la Suisse et s'arrêtent au bord du lac d'Orta, un des lacs supérieurs italiens, l'un des plus beaux. Le voyage s'est effectué en 2 groupes, les femmes d'abord, les hommes ensuite, car Madame Mère n'a pas ôté de son esprit l'idée de rejoindre la Russie accompagnée de sa fille. Lou laisse faire, gagne du temps, et bien évidemment ses projets sont tout autres. Le décor est magnifique. Une île au milieu du lac, celle de San Giulio. Une colline dédiée à la mémoire de Saint François, le Monte Sacro. Dans ce mélange de piété et de beauté, l'humeur est à l'exaltation. Lou et Nietzsche sont profondément émus. Tous deux sont en quête d'une foi différente qui affirmerait la puissance de la vie sans exiger en contrepartie la mortification des corps. Tout à une ferveur quasi religieuse, ils laissent au bord du lac Ré et Madame Salomé, et comme des milliers de pèlerins l'ont fait avant eux, ils entreprennent de gravir la colline du Monte Sacro. Que se passa-t-il lors de cette promenade où deux êtres à fleur de peau se trouvent face à face? Il n'y a évidemment qu'un témoin, mais au vu des réactions, des confessions tardives, on peut imaginer que quelque chose d'important s'est produit. Important pour qui? Pour Nietzsche qui revient de la balade, le cœur léger et rempli d'allégresse. « Je vous dois le plus beau rêve de ma vie », dira-t-il plus tard à Lou. Se sont-ils embrassés, oui ou non? Oui, vraisemblablement, et ce baiser, amical pour Lou, se transforma en don et promesse pour celui qui le recevait. L'homme amoureux qu'était alors Nietzsche ne put voir là que le signe attendu depuis longtemps, celui d'une Lou amoureuse comme lui, et qui lui offrait le premier cadeau d'une vie qu'il imaginait remplie de tendresse, d'un amour qu'il allait désormais pouvoir partager, seul avec celle qu'il venait de se choisir. La Lou d'Horta était un être différent, écrira-t-il de nombreuses fois sur des carnets de notes et brouillons de lettres après leur rupture. Quant à elle, plus tard encore, elle se confiera à un ami d'enfance en ces termes vagues. Je ne sais plus maintenant si j'ai embrassé Nietzsche sur le Monte Sacro. Que de supputations et de malentendus pour un simple baiser, dira-t-on. Mais pour un homme tel que Nietzsche, qui a certainement vu en Lou la femme qu'il attendait, l'effet en sera désastreux. Quoi qu'il en soit, le trio se sépare. Rendez-vous est pris dans 5 jours à Lucerne pour y visiter l'ancienne maison de Wagner, là où Nietzsche passa avec ses amis Cosima et Richard des jours heureux. Madame Salomé, Lou et Ray partent ensemble, tandis que Nietzsche, en apesanteur, s'en va rendre visite à un couple d'amis, les Overbeck, à Bâle. Ils ne l'ont jamais vu dans cet état, bavard, guilleret, se projetant avec complaisance dans l'avenir. Et ils se demandent qui peut bien être cette Lou, l'ensorceleuse, qui a mis leur ami dans un tel état de feu. Les critiques à l'égard de Lou ne se sont pas fait attendre du côté de sa propre mère d'abord, et surtout de Ray qui a fort bien décrypté le scénario du Monte Sacro. Il sait Nietzsche, inflammable comme un adolescent, et devine que la fameuse promenade l'a porté à incandescence. Il devine encore que le rendez-vous de Lucerne ne sera qu'un prétexte de plus pour que le fou de Lou réitère sa demande en mariage. Il prévient la jeune fille et lui demande fermement d'être net et sans équivoque à l'endroit de Nietzsche lorsque la seconde déclaration sera proférée. Lou et Nietzsche ont rendez-vous dans le parc de la ville, devant la statue d'un lion. On est en mai, le ciel est d'azur, les arbres en fleurs. Un beau jour pour une demande en mariage. Fort de ce qu'il croit être ressenti à son égard par Lou, Nietzsche est sûr de lui. Il badine, léger, il pense au fils qu'il veut avoir avec Lou et dont il a parlé avec les Overbeck. Sa solitude, sa souffrance, sa longue attente d'un disciple aurait désormais un sens. Lou, Lou est le joyau qu'il espérait. Mieux vaut partager Lou que de la perdre. C'est déjà ce à quoi avait pensé Ray quelques mois auparavant. Deux hommes, à quelques semaines d'intervalle, ont proposé. Lou a disposé. Pour célébrer et immortaliser le triangle amoureux, Nietzsche exige une photo à trois, le jour même. Et ils se rendent chez Jules Bonnet, un des photographes les plus réputés de Suisse. L'homme dispose dans son studio d'une charrette pour les nombreuses photos champêtres qu'il doit réaliser. Il y a-t-elle alors les chiens ou les ânes? Nous serons les ânes, dit Nietzsche, en demandant à Lou de se jucher sur la charrette et de devenir la maîtresse d'équipage. Il manque encore un signe visible de l'autorité de la jeune femme sur leur cœur et il fabrique à la hâte avec un bâton et une ficelle un fouet qu'il agrémente, printemps oblige, d'une branche de lilas. Clic-clac, en une seconde, la photo qui va devenir célèbre est fixée à jamais dans la caméra obscura. Lou et Ray auront honte de la photo. Malvida en sera choquée. Nietzsche, qui ne l'oubliera pas, aura cette phrase en Zarathoustra, lorsque la solitude sera à nouveau redevenue sa maîtresse. Vous allez voir les femmes. N'oubliez pas le fouet. La trinité Lou-Nietzsche-Ré éclate une fois encore. Nietzsche fait un détour par Bâle chez ses amis Overbeck, avant de séjourner dans sa famille à Naumberg. Ré accompagne les deux femmes, Lou et sa mère, jusqu'à Zurich où il va les quitter pour se rendre à Stiebe, en Prusse orientale également dans sa famille. À Bâle, chez les Overbeck, on s'inquiète. En quelques jours, Nietzsche a perdu de sa superbe et n'est plus du tout le même. Triste, il semble usé. Verbalement, il est enthousiaste quant à Lou et annonce qu'elle ira le rejoindre à Tautenburg. Pour ajouter à son crédit, Nietzsche demande à sa sœur Elisabeth d'écrire à Lou et de cette manière manuscrite l'inviter officiellement avec eux à Tautenburg. De Stiebe, où elle séjourne avec Paul Ré, Lou envoie une lettre à Nietzsche pour lui donner accord en tout. Sans attendre, il répond. « Maintenant le soleil brille au-dessus de ma tête. Vous m'avez écrit que vous veniez, et c'est le plus beau cadeau que quiconque puisse me faire à présent. Ma sœur m'a envoyé des cerises. Tobner m'a envoyé les trois premiers placards d'épreuves du Gai Savoir. Pour couronner le tout, la dernière partie du manuscrit vient d'être terminée, et avec elle le travail de 6 années. Ma libre pensée complète. Ah, quelles années, quels tourments. Quelle solitude et quel dégoût de la vie. Ah, ma chère amie, quand je pense à tout cela, je suis tout ébranlé et je ne sais comment j'ai pu réussir. Je suis envahi par un sentiment de pitié de soi et de victoire. Ma santé elle-même est revenue, je ne sais d'où, et tout le monde me dit que je parais plus jeune que jamais. Dieu me préserve des folies. Mais désormais, lorsque vous me conseillerez, je serai bien conseillé, et je n'aurai plus besoin d'avoir peur. Ainsi, pour l'heure, Nietzsche est amoureux et n'a rien d'un homme fort. Il pleure, attend les conseils de sa bien-aimée, une femme de 21 ans, à qui il avoue sa peur de vivre. À l'aube de cet été 1882, Nietzsche le magnifique est terrassé par une frêle jeune fille, perclus de sollicitude et enclin au mariage. Qui peut dire si un tel mariage avait eu lieu, ce qu'il serait advenu de Zarathoustra? Qui peut dire encore si Nietzsche aurait trouvé les ressources nécessaires, la force, pour écrire Zarathoustra s'il n'avait rencontré Mademoiselle Salomé? Lou garda le silence. Elle irait rejoindre Elisabeth Nietzsche à Bayreuth pour assister à la première de Parsifal. Les deux femmes repartiraient ensuite pour Tautenburg. Elisabeth, la sœur, est un détestable personnage. Puisque son frère aimé porte de l'intérêt à cette jeune russe, il faut forcément la détester, en être jalouse, la briser. Lorsque Lou rencontre Wagner, la jalousie est décuplée, car Elisabeth veut y voir une trahison depuis que son frère est fâché avec le compositeur. De plus, c'est elle qui aurait souhaité parler en tête à tête avec le maître pour tenter de réconcilier les deux hommes. Mission absurde. Le désamour est consommé. On ne peut imaginer femme plus différente. L'une attire les hommes, l'autre pas. L'une brille en société, l'autre qui a passé sa vie avec sa mère dans leur petite ville provinciale de Naumbourg est gauche et de plus complexée de n'avoir pas su à 36 ans séduire un homme. Elle se sent vieille fille face à cette jeunesse turbulente qui a fait main basse sur son génie de frère. Ce qu'elle aime et qui lui consume son énergie, c'est commérer sur les aventures d'autrui, trouver les failles de leurs amours, les prendre en défaut. Elisabeth assiste en direct à Bayreuth au dévergondage de Lou que l'on voit souvent avec un jeune et beau russe, Joukovski, le nouveau décorateur des opéras wagnériens. Un comble, la rumeur dit encore qu'elle s'est mise nue en public afin que Joukovski, qui était un remarquable dessinateur de formes, crée sur elle, à même la peau, un modèle. C'en était trop pour la sœur acariâtre, il lui faudrait dessiller les yeux de son pauvre frère éperdu, qu'il cesse au plus vite toute relation avec cette Salomé qui, d'ailleurs, pourrait bien être juive comme son ami Paul Ré. Ces juifs qui viennent pervertir et corrompre les Allemands avec leur goût du scandale, du lucre et de la provocation. Cette phrase n'est pas prononcée au hasard par la sœur de Nietzsche. Se trouve à Bayreuth le docteur Förster, l'un des prétendants d'Elisabeth, antisémite notoire, qu'elle épousera 2 ans plus tard. Il s'est fait connaître 1 an auparavant pour sa participation active à une pétition envoyée à Bismarck et qui recueillit 250 000 signatures, afin que cesse l'immigration juive en Allemagne. Les juifs sont les éléments de la décadence, aime-t-il à répéter. On peut dire qu'à Bayreuth, cette misérable fille n'en est encore qu'au commérage régional, au ragoût de province, et à la jalousie d'une sœur possessive. Le plus grave se produira plus tard, après la mort de Nietzsche, survenue en 1900, lorsqu'elle détournera les textes de son frère au profit du national-socialisme. Elle mentira, falsifiera l'histoire afin de réduire la pensée de Nietzsche à celle d'un idéologue précurseur et inspirateur de l'abomination hitlérienne. Après la Seconde Guerre mondiale, il faudra des dizaines d'années à des intellectuels de tout pays pour réhabiliter le philosophe et le remettre à une place qu'il n'aurait jamais dû quitter sans l'ignominie d'Elisabeth, la sœur maligne. Dans le train qui les conduit à Tautenburg, Elisabeth Nietzsche se déchaîne, reproche ses écarts de conduite à Lou et surtout de s'être exhibée aux vues de tous avec les ennemis de son frère, avec celui que désormais Wagner porte dans son cœur, ce misérable russe de Joukovsky. Et cette idée indécente de vouloir vivre à 3, cela se pratique peut-être en Russie, mais pas dans une Europe civilisée. La phrase qui fait déborder Lou, qui lui répond. Ne vous mettez pas dans la tête que je m'intéresse à votre frère ou que je suis amoureuse de lui. Je pourrais passer toute une nuit dans une chambre avec lui sans la moindre excitation. C'est votre frère qui, le premier, a souillé notre plan d'études par les plus basses intentions. Il n'a commencé à parler amitié que lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait m'avoir auprès de lui pour rien d'autre. C'est votre frère qui, le premier, m'a proposé l'amour libre. À Tautenburg, Nietzsche est radieux et accueille Lou avec chaleur et enthousiasme. Plus, il a le sentiment que l'être de Monte Sacro qu'il a serré dans ses bras est venu le rejoindre avec les mêmes intentions d'alors. Illusion de l'homme amoureux qui croit être pareillement aimé en retour. Mais la sœur n'est pas loin et fait aussitôt son rapport, en tête à tête. Elle sait là où ça fera le plus mal. Raconter l'intimité de Lou avec Wagner et avec celui qui avait pris sa place, Joukovsky. Dire qu'ils sont apparus ensemble en public comme si on le narguait, lui, Nietzsche, qu'on veuille l'humilier à Bayreuth même, le lieu symbolique de la gloire de Wagner et de la sienne, là où il fut chéri et avait cru trouver une famille de cœur et de pensée. Quelques instants plus tard, Lou est désarçonné. Elle voit réapparaître un Nietzsche aux sourcils froncés, au regard fermé. Plus rien à voir avec celui qui venait de l'accueillir en ouvrant grand ses bras. Ses sautes d'humeur la rendent folle. Quelle raison y aurait-il de rester encore dans cette maison? Il lui fait une scène et lui reproche, comme à une enfant grondée, son exubérance de Bayreuth. Lou ne supporte pas qu'il lui fasse la liste des gens fréquentables ou pas. Et d'ailleurs, tout à sa fureur, elle propose de partir sur le champ, quitter Tautenburg. C'est ce qu'elle dit et qu'il ne peut supporter. Alors Nietzsche se fait miel, propose une promenade et prend prétexte de lui montrer l'emplacement que les villageois de Tautenburg ont trouvé pour installer un banc à sa gloire et où sera gravé dans le bois le gai savoir. Il est peut-être perdu à Bayreuth, mais ici on le respecte. Au cours de ses 19 jours à Tautenburg, en compagnie de Lou, il sent autour de lui comme jamais auparavant dans sa vie la présence d'un destin qui le pousse, dit-il, vers le bonheur. Son avenir porte aujourd'hui les traits d'une jeune femme. Elle a 21 ans. Ce que je n'espérais plus, trouver un compagnon de mon bonheur suprême et de ma suprême souffrance, me paraît désormais possible, comme une perspective dorée à l'horizon de toute ma vie future. Règne en lui un sentiment d'euphorie et de triomphe sur la destinée. Ce que Nietzsche ne peut deviner, c'est que le destin ne lui réserve rien de triomphal, et que s'il est déjà à l'œuvre, c'est pour le déchirer, pour le détruire et ne faire de lui qu'un fragment de douleur. Croyant ferme au signe que représente pour lui la présence de Lou à ses côtés, il voit en elle une messagère. Lorsque je me suis tourné à nouveau vers les hommes et vers la vie, j'ai cru que l'on m'avait envoyé un ange. Un ange qui adoucirait bien des choses que la douleur et la solitude avaient trop endurcies en moi. Et par-dessus tout, un ange du courage et de l'espérance. Durant son séjour auprès de Nietzsche, Lou va tenir un journal sous forme de lettre qu'elle adresse à Paul Ray. Après une journée passée avec lui, durant laquelle je me suis efforcée d'être gaie et naturelle, nous retrouvâmes notre ancienne intimité. Il monta souvent dans ma chambre et, dans la soirée, il prit ma main et l'embrassa deux fois. Quand deux personnes sont dissemblables, comme vous et moi, elles sont enchantées lorsqu'elles trouvent des points d'accord. Mais lorsqu'elles se ressemblent autant que Nietzsche et moi, elles souffrent de leurs différences. Malgré sa révolte antichrétienne, Nietzsche est un homme du religieux. D'ailleurs, comme à son habitude, Lou ne s'y trompe pas. Elle écrit « La haine de Dieu est l'ultime écho de l'amour de Dieu. » Il parle religion, du ciel et des enfers, leur grande affaire. « Le trait que nous avons en commun est fondamentalement religieux. Peut-être est-il d'autant plus fort en nous que nous sommes des libres penseurs dans l'acceptation extrême du terme. Chez le libre penseur, le besoin religieux devient une force héroïque de son être, un désir de sacrifice à une noble cause. Dans le caractère de Nietzsche, il existe un tel trait héroïque. Cette part essentielle de lui-même assure une unité à toutes ses autres qualités et à ses pulsions, et leur imprime sa marque. » Et Lou termine par cette étonnante intuition. « Nous le verrons pourtant devenir le prophète d'une religion nouvelle, et il sera de ceux qui recherchent des héros pour disciples. » Nietzsche sait qu'en gagnant Lou, il ne peut que perdre sa sœur Elisabeth. Dilemme qui sera de courte durée. Celle-ci fut toujours écartée de leur conversation, et cette complicité à laquelle elle se sent étrangère l'aura agacée au plus haut degré. Le point de rupture est atteint lorsque Lou quitte Tautenburg. Nietzsche rompt avec sa sœur. Il a en main le cadeau de départ de Lou, un exemplaire de Prière à la vie, un poème écrit par elle et qui se termine ainsi. Si tu n'as plus de joie à me donner, offre-moi ta douleur. Lou part à Berlin où Ray l'attend. Jalousie de Nietzsche à l'égard de Ray. Jalousie réciproque de celui-ci envers Nietzsche. Ray est anxieux. Que s'est-il passé durant ces 3 semaines à Tautenburg? Lou le rassure, elle est prête à vivre avec lui, sans mariage évidemment, sans sexe évidemment. Ils iront dans un premier temps rejoindre Nietzsche qui se trouve à Leipzig et les attend. Celui-ci écrit à Lou en commençant par « ma sœur », puisqu'il a perdu la sienne et qu'il semble avoir gagné en échange une sœur surnaturelle, dit-il. Que l'on sache ce qu'est penser, et ce qu'il en est de vivre lorsque l'amour fou vous taraude. Reste la musique, la grande consolatrice, et Bizet, celui qui a remplacé Wagner dans son cœur et ses émois. Il écrit à Lou. Le ciel était bleu, l'air doux et pur. J'étais à Rosenthal, séduit par la musique de Carmen. Je suis resté assis durant 3 heures. J'ai bu le second verre de cognac de cette année en souvenir du premier. Oh, quel goût affreux il avait. Et en toute bonne foi, je me suis demandé si je n'avais pas quelques prédispositions à la folie. Après réflexion, je me suis dit finalement que non. Puis la musique de Carmen a commencé, et pendant une demi-heure, j'ai marché, les larmes aux yeux, le cœur battant avec violence. Quand vous lirez ceci, vous penserez probablement que oui, j'ai une prédisposition à la folie, et vous ajouterez une dernière note à ce qui me caractérise. Venez vite à Leipzig, je vous en prie. Nietzsche ne peut évidemment imaginer que Leipzig sera le dernier lieu qui le verra, Lou et lui réunis. C'était Lou Andreas Salomé par Yves Simon. Réalisation Doria Zénine. Équipe de réalisation pour la rediffusion en feuilleton, Catel Guillou et Thomas Beau.